franceinter.com. Chaque jour, ou presque, de nouveaux morts. Contestation et répression ne faiblissent pas en Syrie. Dans l'échiquier moyen-oriental, le pays semblait pourtant, aux yeux des spécialistes, l'un de ceux qui serait le plus hermétique au souffle du printemps arabe. L'impensable s'est donc produit. La Syrie, soumise depuis 40 ans au pouvoir du clan Assad, s'est donc soudain réveillée. Apparemment. Car il y a longtemps qu'elle est traversée par des vents contraires. Mais, jusqu'à maintenant, on réprimait en silence, à l'abri des frontières d'un État rigidifié et encore largement indéchiffrable pour le profane. Monsieur X, qui a déjà évoqué la situation syrienne l'an dernier, se propose donc d'essayer de comprendre pourquoi la Syrie, à son tour, est touchée par la contestation populaire. Mais il ne manquera pas de rappeler que depuis quelques années, le régime était déjà ébranlé par une série d'événements mystérieux, attentats, assassinats, suicides maquillés. Enfin, il s'interrogera sur l'éventualité d'interventions extérieures, car dans cet Orient compliqué, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, la Syrie occupe une place à part et une révolution ne manquerait pas de chambouler toute la région. Mais qui y a vraiment intérêt? من الذي يقوى على الفراغ أتخاف الموت أنا أسير أمامك أكون في المقدمة إذا سقطت ميتا أخلد اسمي يقولون سقط فيحزن قلبي لكني أكون مددت يدي قطعت أشجار Pour commencer, un fait m'a frappé. Les manifestants syriens qui affrontent non sans courage les forces de sécurité réclament des droits politiques. Mais ils dénoncent aussi la corruption Et dans leur slogan, il y a un nom qui revient sans cesse, Rami Maklouf. Oui, c'est un des cousins de Bachar el-Assad. Hein. Oui, un richissime cousin qui règne sur des pans entiers de l'économie syrienne. Et ça m'a rappelé un autre nom, Trabelsi. Ah ben ça, c'était le clan de la femme de Ben Ali. Hein. Qui avait vampirisé l'économie tunisienne. Bien sûr, comparaison n'est pas raison. Il n'empêche qu'il y a quelques similitudes entre la situation des deux pays. Et en particulier, le fait que le Syrien Bachar el-Assad, aujourd'hui comme Ben Ali, hier, prétend être un rempart contre la montée de l'islamisme. Je reviendrai sur cet aspect plus tard. Auparavant, je voudrais me faire l'avocat du diable. C'est-à-dire la Syrie, longtemps rangée dans le camp des États voyous, selon la terminologie chère à l'ex-président Bush, est certes un pays soumis à un pouvoir dictatorial et policier, mais à la différence de bien d'autres États de la région, la Syrie est une république laïque où toutes les confessions sont respectées, où les femmes disposent dans les institutions des mêmes droits que les hommes et où il existe un parlement élu qui réunit en son sein des représentants de plusieurs partis politiques. Même les communistes y ont droit de citer. On est quand même très loin de la démocratie. Oh, bien entendu. Et combien de détenus politiques croupissent dans les prisons du régime ? Et vous avez parfaitement raison. Et il faudrait aussi parler de la torture qui est systématiquement appliquée à ces détenus, mais je voulais simplement mettre en évidence quelques points positifs. C'est d'autant plus important qu'à Damas, on estime souvent être victime d'une injustice. Expliquez, là. Le pays est diabolisé par l'Occident, alors que les États réactionnaires de la région ne font l'objet d'aucune condamnation, ni même, bien sûr, de sanctions économiques. Vous pensez, là, aux monarchies pétrolières. À commencer par l'Arabie Saoudite, dont on a même laissé l'armée aller rétablir l'ordre à Bahreïn, en proie également à la contestation. Alors, bon, à Damas, on pense qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est ce que pensent les dirigeants syriens, en tous les cas. Mais vous oubliez quand même que Damas a aussi soutenu quelques organisations terroristes. Oh oui, et même perpétré directement des actions terroristes, c'est vrai. Cependant, nous avons vu cela l'an passé. La situation évoluait. Les États-Unis, par exemple, ont rétabli leurs relations diplomatiques avec la Syrie. Et la France a également fait les yeux doux à Bachar el-Assad, hein, en l'invitant à Paris pour le 14 juillet, je crois, hein, avec tous les honneurs. Hein. Après tant d'années d'ostracisme, les dirigeants syriens devenaient fréquentables. Et d'abord, parce qu'on sait que rien ne peut fondamentalement changer au Moyen-Orient sans la Syrie. Et Bachar el-Assad en joue avec une habileté certaine. Car tout en amorçant ce flirt avec l'Occident, il demeure le plus fidèle allié de Téhéran. Ah, ça, c'est un équilibre difficile à tenir. Et c'est pourquoi Bachar el-Assad doit donner des gages tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Il reste aussi que la Syrie entretient des liens très étroits avec deux organisations qui sont considérées comme terroristes, hein, le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. Et le chef du Hamas réside même à Damas. Et ce n'est pas un hasard s'il s'agit de deux organisations anti-israéliennes. Officiellement, la Syrie est toujours en guerre avec Israël. Oui, et puis entre les deux pays, il y a la question toujours pendante du plateau du Golan. Oui, occupé par les Israéliens à l'issue de la guerre des Six Jours. Alors, puisque nous parlons d'Israël, est-ce que l'État hébreu a intérêt à voir le président Bachar el-Assad chassé du pouvoir ? Je ne le pense pas. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué qu'en Israël, on n'a généralement guère apprécié le printemps arabe, comme on l'a appelé. La peur du désordre ? Et de l'inconnu. Au fond, les Israéliens préfèrent avoir affaire avec des adversaires qu'ils connaissent bien, plutôt qu'à des nouveaux venus dont la politique pourrait être imprévisible. Même si ce sont des démocrates ? En Israël, on est avant tout royaliste. Le fait que le président Moubarak régnait en dictateur n'a jamais gêné les Israéliens. L'important était que grâce à lui, on coexistait pacifiquement et que l'Égypte n'était pas moins hostile au Hamas qu'Israël. Donc pour revenir à la Syrie, la chute de Bachar el-Assad serait synonyme d'aventure. Oh, c'est certain. Sans faire de politique fiction, imaginons ce qui pourrait se passer si le régime basculait à Damas. Les sunnites, majoritaires dans le pays, prendraient le pouvoir. Et avec eux, les frères musulmans, durement réprimés par le clan Assad, pourraient revenir au premier plan. Il en résulterait presque certainement un renforcement des liens entre Damas et le Hamas. Des liens qui existent déjà. Mais enfin, si je vous ai bien compris, là, Israël préférerait le statu quo. Et la paix armée plutôt que la guerre, oui. Car observez que depuis des années, la frontière entre la Syrie et Israël, à la différence de la frontière entre le Liban et Israël, est remarquablement calme. Peut-être, mais enfin, N'empêche que le pouvoir syrien soutient le Hezbollah qui menace en permanence la frontière nord d'Israël. Oui, je sais, tout cela est extrêmement complexe. Mais la logique n'est pas la qualité la mieux partagée dans la région. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Jérusalem, on aurait certainement tout à craindre de l'écroulement du pouvoir syrien. Car il existe au fond une sorte de complicité objective entre les deux capitales, même quand l'une ou l'autre se laisse aller à des actions agressives. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté dans notre dernier entretien à propos de la Syrie. Le bombardement, c'est ça, par l'aviation israélienne d'un site nucléaire syrien. En 2007, oui. Eh bien, Damas a encaissé sans protester ni procéder à des représailles. Mieux, je vous ai dit que l'attentat du Mossad qui a tué le dirigeant terroriste libanais, Imad Mounieh, en pleine ville de Damas, n'a pas pu être opéré sans la complicité des services de renseignement syriens. Qui ont au minimum fermé les yeux. C'est probable. Ouais. Autre question. Alors, Bachar el-Assad, pour justifier la répression sanglante qu'il exerce contre les manifestants, là, affirme que des mouvements salafistes se trouvent derrière les contestataires. Bah, Kadhafi ne dit pas autre chose. Et avant lui, Moubarak. Selon ses dirigeants, c'est même Al-Qaïda qui serait à la manœuvre. Non, c'est ridicule. Même si, évidemment, en Égypte comme en Syrie, il ne faut pas sous-estimer le poids des islamistes et aussi celui des frères musulmans. Alors, Bachar el-Assad essaie donc de jouer sur la peur qu'inspirent les islamistes. Oui, et c'est d'autant plus facile que les minorités confessionnelles ou ethniques, qui représentent près d'un tiers de la population syrienne, ont réellement peur que des sunnites fondamentalistes ne réussissent à s'emparer du pouvoir. Les druzes, les chrétiens qui représentent 10% de la population et bien sûr les alaouites se sentent protégés sous Bachar el-Assad. Et même les Kurdes, longtemps opprimés, ont obtenu la promesse d'être reconnus en tant que tels à la faveur des derniers événements. Ouais. Bachar el-Assad bénéficie par conséquent du soutien de ses minorités. Ah, c'est certain. Et la bourgeoisie sunnite qui a profité de la modernisation et de la libéralisation de l'économie ne lui est pas fondamentalement hostile. Il y a d'ailleurs même eu, même si on en a peu parlé hors de Syrie, des manifestations de rue favorables à Bachar el-Assad. Ouais, mais la plupart des manifestations aujourd'hui lui sont quand même hostiles. Bon, alors pour bien comprendre ce qui se passe actuellement en Syrie, je vous propose d'essayer de plonger au cœur du pouvoir, c'est-à-dire au cœur du mystère, car on y cultive un secret rigoureux. Et je me souviens que vous avez dit que ça ressemblait un peu à ce qui se passait autrefois à Moscou, où des kremlinologues s'épuisaient à déchiffrer le moindre signe envoyé par les hiérarques du bureau politique. Et à Damas, c'est un peu semblable, et il est très difficile de se faire une religion et de saisir qui tire vraiment les ficelles. Pourtant, après les années à Fès et l'Assad, là, on aurait pu croire que l'arrivée au pouvoir de son fils, éduqué en Occident, aurait modifié les mœurs politiques de Damas. D'autant que ce Bachar, fils du précédent, n'était en rien préparé à exercer les plus hautes fonctions dans son pays. C'est un médecin. Et c'était son frère aîné qui devait succéder au père à Fès. Mais Bassel est mort prématurément dans un accident de voiture. Aussi, quand Hafez s'est senti décliné, il a rappelé Bachar, qui terminait sa spécialité médicale à Londres. Et il n'était donc pas préparé à gouverner. Et assez rapidement, ce cadet a dû apprendre les rudiments de l'exercice du pouvoir. Hafez est mort, il faut le rappeler, en 2000. Et Bachar lui a aussitôt succédé. Alors c'est vrai qu'on a cru que le régime syrien allait changer en profondeur sous l'autorité de ce jeune et moderne président. Et on a même déjà parlé à l'époque de printemps de Damas. Ouais, mais très vite, le fils a renoué avec les méthodes du père. Surveillance étroite de la population, absolutisme politique et surtout culte du secret. Une vraie métamorphose chez Bachar. Alors on a longtemps prétendu que cet échalas au visage débonnaire et doux était en fait gouverné par les caciques du régime, les hiérarques qui entouraient Hafez et les membres de son clan familial. Mais c'est de moins en moins vrai. Bachar est aujourd'hui le patron et n'est pas très prudent de contester sa primauté. On le voit aujourd'hui quand il fait tirer sur les manifestants. Pourtant, le clan Assad n'est pas monolithique. Ah bah loin de là, et il existe même de féroces rivalités. Thank you. avec X. Caroline Donati, auteure d'un remarquable ouvrage « L'exception syrienne entre modernisation et résistance », propose l'analyse suivante sur l'évolution politique de Bachar el-Assad. Faible, empêtré dans les réseaux de pouvoir et contesté au sein même du clan familial, Bachar el-Assad s'appuie sur des appareils sécuritaires renouvelés, mais rivaux, pour protéger le régime. Diplômée et compétente, la nouvelle génération qui entre au gouvernement et dans la haute fonction publique se heurte aux résistances continuelles d'un système dont le mode de fonctionnement demeure plus que jamais tribal. Le nouveau président échoue à coopter la société civile et à faire évoluer le parti Baas. Il est dès lors contraint de lui donner une nouvelle légitimité après y avoir promu une équipe dirigeante plus conciliante, placée sous l'étroite surveillance des services de renseignement. Enfin, Bachar favorise l'émergence d'une classe d'affairistes qui paraît parfois lui dicter ses orientations et prospère au détriment du développement économique. Fragilisant les équilibres du régime bâti par Hafez, le clan familial parvient à conforter ses positions, puis, au sein de celui-ci, le président finit par s'imposer, s'enfermant dans l'exercice personnel du pouvoir. En une décennie, Bachar est devenu le président Assad et semble dominer l'entourage qui l'a porté à la tête de l'État. Le livre de Caroline Donati a été publié par La Découverte. Avant de pénétrer plus avant dans le secret du clan Assad et plus généralement du clan des Alaouites... Les Alaouites est une branche du chiisme. Hein. Et une confession minoritaire, puisque, je vous l'ai dit, ce sont les sunnites qui sont majoritaires en Syrie. Oui, mais le fait d'appartenir à une minorité là, explique peut-être le comportement du clan. Ah, très certainement, on peut même parler d'un système tribal. La plupart des fonctions les plus importantes sont occupées par des Alaouites. L'autre facteur qui explique le comportement clanique des Assad est plus politique. Cela ressort de l'existence du parti au pouvoir. Ouais, c'est le Baas. Un parti panarabe, longtemps clandestin et conspirationniste, d'inspiration à la fois nationaliste et socialiste. Un parti qui a donc essaimé dans d'autres pays arabes, et en particulier en Irak. Un dernier mot, Baas, signifie « résurgence ». Et ses créateurs aspiraient à la restauration de la grande nation arabe. Oui, mais une nation laïque. Hein. Ah, contrairement au grand califat que voudraient recréer les zélateurs de Ben Laden. En tout cas, pour revenir à la Syrie, c'est grâce au parti Baas que Hafez el-Assad s'est hissé au pouvoir en 1970 à l'occasion d'un putsch victorieux. Avant de vous parler du clan Assad, je dois encore évoquer brièvement le lien très particulier qui existe entre la Syrie et le Liban. Ouais, la Syrie ayant toujours considéré que le Liban était partie intégrante de son territoire. Et que le Liban lui avait été volé par le colonisateur français à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ouais, ouais. Ça, c'est le mythe de la Grande Syrie. Par conséquent, Damas n'a jamais cessé de s'intéresser au Liban. Et parfois, ce sont les Libanais eux-mêmes qui lui ont fourni des prétextes pour intervenir militairement au Liban. Ouais, ce sont les chrétiens maronites qui ont appelé au secours les Syriens. Et Hafez el-Assad a été trop heureux de répondre à cet appel qui lui permettait de mettre un pied au Liban. Enfin, n'y revenons pas, car ce sont des sujets que nous avons déjà abordés autrefois. Toutefois, c'est sous le règne de Bachar el-Assad que va se produire l'un des événements majeurs de la relation Liban-Syrie. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Le départ des troupes syriennes après l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. En 2005, alors qu'elle stationnait au Liban depuis le milieu des années 70. Oui, mais un retrait exécuté sous la pression de l'Occident. Hein. Et une humiliation sans précédent pour la Syrie, qui s'est traduite aussi par un appauvrissement du pays, car le riche Liban était devenu, au fil des ans, une sorte de protectorat que les Syriens pouvaient piller comme bon leur semblait. Mais Bachar a survécu à cette grave avanie. Et malgré les accusations qui le désignent comme étant le commanditaire de l'assassinat de Rafik Hariri, il a même réussi à se faire réélire triomphalement à la présidence en 2007. Ouais. Une élection sincère ? Ah ben ça, c'est autre chose. Dans un état policier, tout est envisageable. En tout cas, pour en finir au moins provisoirement avec le Liban, la Syrie n'a pas renoncé à se mêler des affaires libanaises. D'abord en raison de ses liens très étroits avec le Hezbollah, mais aussi parce qu'à la suite d'une nouvelle crise politique créée par ce même Hezbollah, c'est un premier ministre pro-syrien qui a été chargé à Beyrouth de former le gouvernement. Mmh. Oui, et puis il y a toujours les suites de l'affaire Hariri. Il m'étonnerait fort que le tribunal spécial pour le Liban, chargé d'enquêter sur cet assassinat, ne désigne pas parmi les instigateurs quelques personnalités syriennes. Mmh. Alors, le clan Assad. Sous Hafez el-Assad, personne ne bronchait. Et le Bismarck du Moyen-Orient, comme on l'appelait, avait même pris des mesures drastiques contre son propre frère, Rifat. Mais lorsque Bachar el-Assad a succédé à son père, les rivalités se sont réveillées. Malgré la solidarité familiale et le fait que Bachar ait été désigné par son père. En effet. Et le jeune président syrien ne s'est vraiment imposé qu'après 2005. Et il lui a d'abord fallu faire le ménage parmi la vieille garde qui entourait Hafez. En gros, enfin ça je ne veux pas simplifier à l'excès, il existait et il existe encore toujours une bagarre entre les anciens et les modernes. Les anciens, c'est-à-dire ce que vous avez appelé la vieille garde. Oui, les compagnons de feu Hafez et l'Assad. Les modernes étant les jeunes loups qui se hissent aux premières places avec le soutien de Bachar. Et cette bagarre entre les deux clans s'exprime aussi en matière de politique étrangère. Les anciens en tiennent pour une alliance indissoluble avec l'Iran, tandis que les plus jeunes voudraient que leur pays s'oriente plus résolument vers une ouverture à l'Ouest. Et c'est aussi le souhait de Bachar el-Assad ? Je crois qu'il est très tenté. Mais c'est un champion du double jeu. Et tout en donnant quelques satisfactions aux modernistes, il maintient le cap sur l'alliance avec Téhéran. Il n'est pas prêt de changer, car la Syrie bénéficie aussi du parapluie militaire iranien. Et vous avez dit alors que Bachar el-Assad s'est vraiment imposé en 2005. Oui. Cette année-là, il a envoyé un signal très fort à la vieille garde. Le ministre de l'Intérieur d'Hafez el-Assad, Ghazi Ganan, a été retrouvé mort dans son bureau. Officiellement, il s'est suicidé. Mais en Syrie, personne ne doute qu'en réalité, il a été assassiné. Et puis après, ses deux frères ont disparu. Un signal très fort, effectivement. Hein. Et malgré son allure débonnaire, Bachar el-Assad ne répugne pas à utiliser des méthodes radicales. Au cours de l'été 2008, le général Mohamed Souleyman, un des plus hauts personnages du régime, est à son tour assassiné. Ce personnage avait la haute main sur toutes les affaires militaires et d'une façon générale sur tous les dossiers les plus sensibles. Il était même plus puissant que le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Et dans quelles circonstances a-t-il été assassiné ? Il séjournait dans sa résidence secondaire au nord de Damas, au bord de la mer. Un endroit luxueux où de nombreux dirigeants baassistes possédaient aussi une maison de vacances. Donc un lieu très protégé. Et Souleyman disposait d'une garde personnelle d'une vingtaine d'hommes, qui ne le quittaient jamais des yeux, même quand il allait nager. Et selon la version officielle, c'est justement au cours de sa baignade qu'il a été atteint par plusieurs balles tirées par une arme dotée d'un silencieux. Le tireur, parce qu'on en a déjà parlé, là, le tireur se trouvait dans un bateau. Et je me souviens que vous aviez mis en cause cette version. Je pense en effet que Souleyman a été liquidé par ses propres compatriotes. Et j'en veux pour preuve que ce très sophistiqué scénario du sniper qui lui tire dessus à partir d'un bateau a été vraisemblablement inventé de toutes pièces. Non mais pourquoi alors ? Pour faire croire à un assassinat perpétré par le Mossad, bien sûr. Mais en réalité, Souleyman n'a pas été abattu alors qu'il se baignait en mer. Non, il a été froidement liquidé alors qu'il se trouvait à l'intérieur de sa villa de vacances. Oui, alors c'est ce que vous avez appelé élégamment faire le ménage. Mais il faut dire que Bachar el-Assad a aussi fort affaire avec sa propre famille. Le plus remuant du clan est son frère cadet, Maher. Un homme qui occupe une place de premier plan. Chef de la garde républicaine, c'est lui qui est chargé de protéger la résidence présidentielle. Et donc son frère aîné. Et en même temps, à la tête de la 4e division blindée, il joue un rôle central dans la répression des manifestations actuelles. Mais c'est aussi un ambitieux et un type plutôt irascible. En 2000, il n'a pas hésité à tirer sur son beau-frère, Shaukat, avec lequel il avait un différend d'ordre familial. Mais je vais vous reparler d'Assef Shaukat, parce que ce membre éminent du clan Assad, qui a longtemps dirigé les tout-puissants services secrets, a été mis sur la touche. Cependant, à l'occasion des derniers événements, il aurait connu un retour en grâce. Un signe. Le besoin de resserrer les rangs à l'heure des épreuves. Toutefois, à côté de Bachar el-Assad et de son frère Maher, l'homme le plus puissant du clan est sans doute celui qui possède les clés de la caisse, leur cousin, Rami Maklouf, l'homme le plus riche de la Syrie. avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Le clan Assad à l'épreuve de la rue syrienne. Tel est le titre d'un récent article du Figaro signé par Georges Malbruno. Extrait. C'est le tandem Rami Maclouf, Maher el-Assad qui aurait convaincu Bachar de trancher en faveur des durs au sein du clan familial qui dirige la Syrie d'une main de fer. Tout s'est joué juste avant le discours tant attendu d'Assad le 30 mars devant le Parlement. Quelques heures avant, Bachar a changé son contenu en faveur du tout répressif, affirme un expert de la vie politique syrienne qui tient à rester anonyme. Deux jours avant, sa conseillère, Bouteina Chaban, laissait pourtant entrevoir publiquement une levée de l'état d'urgence en vigueur depuis 48 ans, la principale revendication de la rue. Mais les radicaux lui ont signifié que si le pouvoir montrait un quelconque signe de faiblesse, dans un mois, ils seraient tous dans un hôtel de Doha, au Qatar, poursuit la source. Alors si je résume, à côté de Bachar el-Assad, les deux personnages les plus puissants de la Syrie sont donc Maher el-Assad, l'homme de la force armée, et ce Rami Maclouf, l'homme qui gère les affaires du clan et la caisse noire du régime. Ouais, celui que vous avez comparé au début de notre entretien à Belassem Trabelsi, le beau-frère de l'ex-président tunisien Ben Ali. Hein. Pour bien comprendre, il vous faut savoir que Maclouf est le premier investisseur privé du pays. Il a des intérêts dans pratiquement tous les secteurs. Le téléphone mobile, l'immobilier, la banque, le pétrole et encore le transport aérien. Il est donc à la tête d'un véritable empire économique. Qui pèse au moins 3 milliards de dollars. Et naturellement, il doit cette incroyable prospérité économique à son appartenance au clan familial. Car personne en Syrie ne peut lui tenir tête. À moins d'être victime de sérieuses représailles. Un seul exemple. Assez récemment, un député indépendant, Riyad Saif, a osé dénoncer les conditions dans lesquelles Maclouf a emporté l'attribution d'un marché. Et bien, aussitôt après, l'un de ses fils a disparu. Quant aux députés, ils ne cessent depuis de faire des séjours en prison. Ouais, ce sont des méthodes mafieuses. Absolument. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas Rami qui a inventé cet affairisme d'État qui règne en Syrie. C'est son père, Mohamed, le frère de la mère de Bachar, qui a mis en place ce système. Sous le règne d'Hafez el-Assad, donc. Oui, et ce Mohamed Maclouf demeure le parrain de cet affairisme d'État et un conseiller très écouté. Je dois ajouter que, très habilement, les Maclouf ont fait en sorte que la corruption généralisée profite aussi aux barons du régime et aux principaux chefs de l'armée. C'est le meilleur moyen de tenir les gens. Évidemment, hein. Mais dans la famille, il faut aussi compter avec les femmes. La veuve d'Hafez, et donc la mère de Bachar, reste très influente. Et quand il le faut, c'est elle qui arbitre les conflits entre les membres du clan. Enfin, la propre épouse de Bachar, Asma, n'est pas sans pouvoir. Mais en raison de l'hostilité des autres membres du clan, cette jeune femme issue d'une riche famille de Homs préfère développer ses affaires elle-même. Ah ouais, dans son coin. Et au sein là, de ce premier cercle, il y a donc aussi ce Chokat là, qui a eu un échange très orageux avec son beau-frère Maher. Bien sûr, et ça va me donner l'occasion d'évoquer l'autre pilier du régime, les services de renseignement. Une vraie nébuleuse. Il n'y a pas moins d'une dizaine de services secrets en Syrie. Mais il faut savoir que les Moukabarat, leur nom arabe, s'occupent de tout en Syrie. Et donc pas seulement de la sécurité. Mais par exemple ils interviennent dans presque tous les actes de la vie quotidienne des Syriens. Pour se marier, pour ouvrir un commerce, s'inscrire à l'université ou importer des marchandises, il faut disposer de l'aval des Moukabarat. Mais parlons d'abord de ce Chokat. C'est l'époux de la sœur de Bachar, Bouchra el-Assad. Il a toujours eu des rapports difficiles avec le clan. Et pourquoi alors ? Parce que le vieux Hafez était hostile à son mariage avec sa fille. Il a donc été longtemps écarté du palais présidentiel. Et après la mort de Hafez en 2000, quels ont été les rapports de ce Chokat avec Bachar ? Ce dernier, proche de sa sœur, ne partageait pas les réserves exprimées par Hafez. Donc, Chokat a pu de nouveau fréquenter le palais. Toutefois, Bachar el-Assad a longtemps refusé de lui confier le poste qu'il réclamait, la direction des renseignements militaires. Il se méfiait de lui ? C'est possible. Enfin, comment savoir dans un régime aussi imperméable ? Cependant, Chokat finit par obtenir satisfaction en 2005, après le pseudo-suicide du général Canaan. Alors, il est à nouveau en cours, là ? Pas pour longtemps. Les renseignements militaires sont une pièce essentielle du système. Et Hafez el-Assad les a créés pour prévenir toute dissidence au sein des forces armées. Donc, leur chef doit bénéficier de la confiance totale du président. Or, manifestement, Bachar el-Assad doute de la totale fidélité de son beau-frère, car il ne tarde pas à le flanquer d'un adjoint chargé de le surveiller. Puis en 2008, il le démet et l'exile même loin de Damas. Mais concrètement, que lui reproche-t-il alors ? En tant que chef des services de renseignement, il n'aurait pas su prévenir deux événements très graves. D'abord, il n'aurait pas été informé à temps de l'attaque israélienne de 2007 sur le site nucléaire d'Al-Kibar. Ensuite, il aurait laissé tuer le Libanais Mounier au cœur de Damas, dans une des zones les plus surveillées de la capitale. Oui, mais vous avez aussi dit que le pouvoir syrien aurait pu indirectement donner un petit coup de main aux auteurs de l'assassinat, c'est-à-dire les agents du Mossad. C'est pourquoi je pense que le limogeage de Chokat obéit sans doute à d'autres raisons. Peut-être son implication dans l'attentat contre Rafik Hariri. Bon, ça n'est qu'une supposition. En tout cas, il semble bien que Chokat ait reçu l'autorisation de revenir à Damas. Il aurait même, très récemment, assisté à un conseil de famille du clan. Ouais, retrouvailles. Et les autres services de renseignement, alors ? Bon, je ne vous en donne pas la liste, ce serait trop fastidieux. Je vous signale simplement que le plus important est le service des renseignements généraux. Il est particulièrement actif dans la répression de la contestation actuelle. Pourtant, assez curieusement, il n'est pas dirigé par un membre du clan alaouite, mais par un sunnite, le général Mamlouk. Bah, c'est peut-être une habileté du pouvoir ? C'est probable. Et alors que ce général allait bientôt être atteint par la limite d'âge, il a été récemment décidé de prolonger ses fonctions. Enfin, rassurez-vous, auprès de ce Mamlouk, on trouve un personnage appartenant à la tribu, Hafez Maklouf, le frère de ce Rami qui domine l'économie syrienne. Et l'armée ? On sait le rôle joué par l'armée tunisienne dans la destitution de Ben Ali ou celui de l'armée égyptienne dans l'éviction de Moubarak. Est-ce que l'armée syrienne pourrait agir de la même façon ? Je ne le crois pas. Car si elle représente une force considérable, puisque dans ce pays d'une vingtaine de millions d'habitants, elle regroupe pas moins de 300 000 hommes. Mais elle est verrouillée par le système. Si les hommes de troupes et les sous-officiers sont généralement sunnites, les officiers, eux, sont alaouites. Donc, il m'étonnerait qu'ils bougent. D'ailleurs, l'armée n'est pas associée à la répression. Ce sont les forces spéciales, comme la garde républicaine, qui sont essentiellement chargées des manœuvres les plus meurtrières. Alors, quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? Et d'abord, le régime syrien vous semble-t-il aux abois, comme de nombreux spécialistes l'affirment ? Écoutez, qu'ils connaissent de sérieuses difficultés, c'est certain. Et Bachar el-Assad vient d'ouvrir une soupape de sécurité en donnant satisfaction à l'une des principales revendications des opposants, la fin de l'état d'urgence. Oui, une urgence qui n'en finissait pas. Et en effet, presque un demi-siècle qu'il a été instauré par les prédécesseurs d'Hafez el-Assad. Est-ce que ça suffira à calmer la population ? Pas pour l'instant, en tout cas. Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir syrien a mis en place un des systèmes de répression les plus efficaces du monde arabe. Ouais. Donc d'après vous, il a encore des ressources. Et il a par exemple donné des gages à l'importante minorité kurde en promettant de donner à ses membres la citoyenneté syrienne. Et qu'il ne possédait pas encore. Bien qu'installé depuis toujours en Syrie. Plus cyniquement, si le régime était sur le point de tomber, Bachar el-Assad pourrait être tenté d'user de manœuvres de diversion. Par exemple ? Bon, suscitant des troubles chez ses voisins. Et ici, bien entendu, on pense au Liban. Oui, il y a l'influence syrienne sur le Hezbollah. Beyrouth possède bien un premier ministre, mais toujours pas de gouvernement. La situation y est donc plus que jamais fragile. Et Damas n'aurait aucun mal à envenimer les choses. Dans le même esprit, faire diversion, le régime syrien a sans doute aussi demandé au Hamas de se lancer à nouveau dans une campagne de tirs de roquettes sur Israël, à partir de Gaza. Oui, mais cette campagne a apparemment fait long feu devant la réaction très violente des Israéliens. Oui, enfin, ça pourrait recommencer. En tout cas, à part la suppression de l'état d'urgence, il semble bien que Bachar el-Assad ne soit pas décidé à faire des concessions. Et en cela, il est conforté par les personnages les plus éminents du régime, son frère Maher et son cousin Rami Maklouf. C'est donc le choix de la répression à outrance, du massacre, si la contestation se poursuit. Ça me paraît probable. Mmh. Et Bachar el-Assad, objectivement, ne manque pas d'atouts. Il est assuré, je vous l'ai dit, du soutien des minorités qui craignent par-dessus tout que les sunnites ne s'emparent du pouvoir. Et avec eux, les islamistes. Mais surtout, il estime que la population syrienne ne veut pas courir le risque de voir se développer dans le pays une situation à l'irakienne. Le désordre, les attentats... Et les luttes sanglantes entre les confessions. Non, au fond, je crois que la vraie menace qui pèse sur Bachar el-Assad vient de son propre clan. Que voulez-vous dire, là ? Pourquoi un Maher qui tient dans ses mains les services de sécurité n'essaierait-il pas de renverser son aîné ? En guise de conclusion, cet article proposé par la lettre confidentielle Intelligence Online du 16 décembre 2010. Le 2 décembre au matin, les résidents du quartier Alaouite d'Al-Somarieh à Damas, ainsi que les soldats des casernes de Douma et Arasta, ont découvert, placardés sur les murs, des photos du général Maher el-Assad, frère du président, posant en treillis sous l'inscription « Force de la 4e division ». Cette démonstration de force a eu lieu en l'absence de Bachar el-Assad, parti le matin même pour un voyage de 2 jours en Ukraine en compagnie du directeur des renseignements généraux, Ali Mamlouk. Maher el-Assad s'appuie sur le directeur du renseignement de l'armée de terre, le général Abdel Fattah Qudsi, et s'oppose au chef sécuritaire. Les affiches ont été retirées en quelques heures. 5 jours plus tard, le Premier ministre Mohamed Naji Otri a adressé au ministère une circulaire interdisant d'apposer, sans l'accord des autorités, des affiches représentant les officiels du régime. Ça me paraît, pour ma part, très clair. 2 livres pour terminer. Un ouvrage au titre prémonitoire « Quand la Syrie s'éveillera » de Richard Labévière et Talal El-Hatrach chez Perrin, et déjà cité l'exception syrienne de Caroline Donati. Elle a découvert aussi une revue chez Choiseul, La Syrie ouverture, le monde arabe et la question nucléaire. Enfin, et il s'agit toujours du printemps arabe, je vous rappelle, l'ouvrage de Patrick Hamzadeh, Au cœur de la Libye de Kadhafi, qui propose une analyse originale de la crise libyenne. Et en ce moment, on en a bien besoin. Sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et avec un peu de chance, la podcaster. Vous pourrez aussi obtenir des renseignements divers. Pierre Firsion et Rebecca de Nantes ont préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou, Lucien Penaud et M. Djoubé. Tout de suite après le flash, CO2 Mon Amour de Denis Chessou.